La langue du fourmilière. Le fourmilière cherche un repas. Il voit des fourmis. Les fourmis voient le fourmilière. Des fourmis vont dans un tronc d'arbre. Des fourmis vont sous une feuille. Des fourmis restent dans l'herbe. Le fourmilière voit les fourmis dans l'herbe. Il sort la langue. Zap! Pas de fourmis dans l'herbe. Le fourmilière voit les fourmis sous la feuille. Il sort la langue. Zap! Pas de fourmis sous la feuille. Le fourmilière regarde dans le tronc d'arbre. Il sort la langue. Oups! Sa langue est coincée dans le tronc. Le fourmilière ne peut pas sortir sa langue. Les fourmis ne l'aident pas. Les fourmis sortent du tronc. Elles grimpent sur l'arbre. Le fourmilière va sortir sa langue du tronc, mais les fourmis sont en sécurité.